Lagny. Oui, Lagny, merci Madame Lagny. Nous allons commencer l'émission du 23. Oui, êtes-vous prête, Madame Wagny? Oui, d'accord. J'enchaîne. Ah, oui. J'ai toujours une phrase, une citation, Madame Wagny. Vous écoutez pas Errance Canadienne, vous? Ah, votre travail, c'est juste de dire Wagny. Bon. Est-ce qu'on peut réentendre parce que vous avez un talent flou? On y va, OK? Voilà. Lining. OK, vous êtes Lining Wenting. Wentong. Ping-pong. Wenting, OK. Alors, ben moi, c'est comme ça, là. J'annonce et puis la date. Si je peux trouver ma petite feuille, là, ça irait très, très bien. Oui. Et puis, ma phrase, je la sais déjà. Oui, OK. Alors, lundi, le 23 janvier, mais règle générale, il y a la musique qui commence, OK? C'est comme ça ici. Êtes-vous prête? Installez-vous, Mme Wangin. OK. Aujourd'hui, le lundi... Ah oui, c'est vrai, attendez, Mme Wangin. C'est vrai. Ma citation. Arrête d'écrire. Tu étourdis les mots. Aujourd'hui, c'est malin, hein? Aujourd'hui, le 23 janvier 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki, Madame Wynin, bonne émission. D'accord. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Renadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Merci, mademoiselle. Oh, yeah! Oh, yeah! Êtes-vous prêts, là? Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Everything. Everything. Everything gonna be all right this morning. Wow! Oh, we're burning! Oh, yeah! Woo! Excusez-moi, je vous reviens, OK? parce que mes écouteurs ont tombé de mes oreilles. Je vais vous expliquer pourquoi. Restez là. Accrochez-vous à votre radio. OK, je vais mettre le micro entre mes jambes, comme ça ici. Et voilà, OK. Mais je suis de retour. Ouais, je suis comme Van Gogh. Van Gogh. C'est un nouveau vin, ça, le Van Gogh? Ah oui, hey, le Van Gogh de Sibérie. Un peu d'antigel, beaucoup d'amour, et puis pour pas que, bien sûr, ça vire. Hein, oui, une voiture peut virer, un bateau aussi, l'avion également, mais le vin peut tourner et virer au vinaigre, à tout ce qui est imbuvable. Mais là n'est pas ma question. En fait, j'en avais même pas de question. C'est que, comme Van Gogh, je me suis arraché les deux oreilles. Oui, je sais, lui, c'était une seule, mais moi, c'est les deux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'écoutais plus ces KRL depuis 2 jours. Comment ça, tu n'écoutais plus ces KRL? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ah, ben là. S'il faut que je commence à raconter. Allez. Ben écoute. J'ai lancé une phrase ici, là. Je vais répondre parce que vous me sortez la mouche du pamplemousse. Ah, mon Seigneur! Est-ce que ça fait des picotements aux yeux? Seulement s'il y a du zeste. Mais le zeste, je vais vous le raconter. Non, le reste, excusez-moi. Le reste, je vais vous le raconter. Un jour, je me suis levé du mauvais pied. Alors, quel est le... je me demandais, moi, pendant toute ma vie, mon mauvais pied, c'est lequel? Hein, je me questionne comme ça, là, parce que je suis rendu à l'âge où tout m'intéresse et m'interpelle. Hein, il y a des expressions. Comment ça, on dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire, se lever du mauvais pied? Est-ce que c'est essayer de se lever et de se casser la margoulette, de tomber par terre, de se fracasser la tête, de saigner du nez, d'essayer de se relever, de se retenir sur nos beaux draps blancs. Hein? Nos beaux draps blancs. Faudrait que je commence, avant mon émission, à faire mes articulations. Combien ça... Quoi que pendant toute la journée, j'ai parlé. Pendant toute la journée, je me suis exprimé. Pendant toute la journée, j'ai utilisé ma matière grise. On dirait que maintenant, ça descend un peu. Et ça ne devrait pas. Parce que la qualité des rances rénadiennes n'a pas de fin. Elle possède un début. Mais on peut aller partout avec. Partout, de gauche à droite, de droite à gauche, on peut zoomer, on peut faire des analepses, des prolepses. Qu'est-ce que ça veut dire, analepse? Ça, c'est au cinéma, en littérature également. Vous savez qu'en études cinématographiques, on a beaucoup utilisé la littérature parce que c'est un art assez jeune, le cinéma. La littérature, depuis des siècles, on écrit sur des cavernes, on écrit sur des casernes, on écrit sur des cernes, on écrit partout, on écrit. Il nous faut uniquement une idée ou même le plaisir de typographique d'écrire. C'est beau, la typographie. Les typos. Pas les gros pots. Les gros pots, c'est plus compliqué parce que ça prend des gros pinceaux ou des gros crayons. Mais des typos, c'est toujours intéressant pour la seule et simple raison. Dans les typos, les meilleurs onguents. Comme je me dis souvent, je l'ai enlevé ma phrase, voyons donc. Ah oui, comme je me dis souvent, je me sors moi-même les mouches du pamplemousse. Oh! Se sortir les mouches du pamplemousse, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien, tout est là-dedans. Il n'y a rien à expliquer. Expliquer, ce serait de trahir votre état mental qui est, à mon humble avis, quand c'est ton avis, c'est jamais un. Bon, OK, à mon avis, au summum, au zénith de tout ce que l'intelligence humaine peut avoir et emmagasiner dans une existence. Si vous écoutez ces KRL, c'est pas pour rien. Vous voulez la différence. Vous voulez entendre autre chose, musicalement, d'une manière narrative. Quoiqu'ici, c'est la déroute totale. C'est la glace noire. Vous savez, la glace noire, quand t'es petit, tu sais pas trop ce que ça veut dire par là, mais tu comprends vite. que lorsque tu places le pied à un endroit où tu croyais que c'était bien fixé, hein, bien amarré, tu perds des pieds. Alors, c'est ça la glace noire. C'est lorsque tu marches et tu crois que tout est beau, tout est limpide, tout est sécuritaire et que là, ton pied glisse et te fait tomber ou te fait danser pour avoir l'air comme Fred Asperge, un grand danseur classique. Mais ça, savoir récupérer sa chute, c'est quand même assez compliqué. Il y a Jean-Paul Belmondo qui était génial là-dedans. Il faisait lui-même ses cascades. Hein? Allez hop, cascade! Amenez-moi l'action. Je vais jouer sur cette action-là et j'aurai l'air naturel. Avoir l'air naturel quand tu tombes ou essayer de te récupérer avant de toucher le sol. Et là, tu ne sais pas à quel moment et comment tu vas toucher ce sol. Même Marc Favreau, celui qui personnifiait seul, ne le savait pas. Comment toucher le sol? Quoique, à embrasser les mots, on peut s'avoler de partout. Hein? On aime ça le partout, la partout. On aime ça les mots. Hein? On aime ça la vision que tout ça peut donner. Toute l'envolée imaginaire. Dans une phrase. Dans une intonation. Dans un laps de temps donné par le grand Manitou ou l'arbitre de l'improvisation. Non. La vie. Ah, la vie, quelle grande chose et quelle petite chose, mais c'est ces choses qui nous font souvent rappeler que nous étions pas si bêtes d'avoir récupéré tout ce que on nous avait dit depuis le début jusqu'à maintenant. La récupération n'existe pas. C'est la réflexion. Quand tu réfléchis, tu crois que tu es le premier à l'avoir trouvé. Eureka, je l'ai trouvé. Raymond, la sauce à spaghetti que tu viens de me faire, elle est très bonne. Là. C'est la meilleure. Mais ta grand-mère la faisait. Tu l'as même exécuté plusieurs fois avec la feuille. Puis là, quand tu t'en souviens, tu crois que c'est toi qui es l'investigateur de cette recette à tout casser. Vraiment, là, même la pâte jouit, hein? La pâte jouit. Pâte jouit. Pas de jouissance, pas d'intérêt. Mouah. Je dis même ça, je dis la même chose avec l'alcool, moi. Là, on vient me voir, on dit Monsieur Reynald. Je dis oui. Auriez-vous une bière sans alcool à me référer, à me suggérer? Ah, ben voyons donc, pas d'alcool, pas d'intérêt. Non, pas vrai, je dis pas ça. Je leur présente les bières, je leur dis ouvertement les plus dégueulasses et celles qui fonctionne le mieux, sans leur dire que j'en bois pas. Quand même, je suis un professionnel. Comme tout vendeur, j'ai tout essayé. Ah oui, ouais, celle-là, ah, elle est bonne. Même hier après-midi, là, j'étais stressé, là, ma femme m'avait appelé, puis je savais même pas que j'étais marié. Donc, double stress. J'ai dit, elle m'a demandé, ah oui, elle va vouloir divorcer, mais divorcer de qui? Je la connais pas. Elle dit, ben oui, c'est moi, Jasmine. Jasmine. Jasmine qui? Jasmine le fait. Ben, continue à le faire. Non, mais Jasmine, non. Non, amène-moi pas en cours, là, je te connais pas. Eh ben, voyons donc, on s'est côtoyé quelques années. On s'est même marié. Ben voyons, t'as-tu les faits? As-tu du papier pour me le prouver? Elle dit, ben j'ai notre amour. Mais. Non, notre amour, OK. Qui ne veut pas mourir? Ah, mais non. Et c'est la raison d'aimer la vie. Oui, mais un jour où tu m'as souri, ah, mais là, c'est à ce moment-là que j'ai voulu t'aimer. Alors, je pensais que tu allais dire que j'ai voulu mourir. Ah, mais non. Tu étais vraiment l'homme de ma vie. Mais voyons donc, toi. On a-tu fait des enfants? Ah, arrête de faire semblant que tu t'en souviens plus. Ben, excuse-moi, là, mais j'ai peut-être un petit blanc actuellement. Le transfert de 2022 à 2023 là, m'a amené beaucoup de confusion. J'étais déjà confuse en 2021, plus confuse en 22, en 23, là, oh mon Dieu, je pense que c'est mon année, là, carte blanche. C'est panneau blanc. Blanc. Bouh. Ah! Mais. Comme ça, tu te rappelles plus de moi. Ben, non, Jasmine. Jasmine de Jasmine, mon amour. Ah, oh, je te reconnais, mon chéri. Ah, mon. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Oui. Oui, à quel moment? À quel moment? Ben, le moment est donné, là. Est donné par qui? Ben, par moi, là. Le moment, disons, ce soir. Ah, mon petit pervers de Reynald. Non, c'est pas Reynald, là. C'est son beau-frère. Ah, ben oui, le beau-frère, ouais, c'est vrai. Toi, t'as plusieurs personnalités, hein. C'est pour ça que je t'aime. On sait pas si on va être devant Robert, Simon, Jacqueline, hein, Lise, et, pourquoi pas, Marcel! Puis, hey, je me rappelle, hey, non, mais pendant la période des fêtes, il faut le dire, là, gêne-toi pas, dis les vraies choses, là. J'espère que tu vas t'en souvenir, là, mon trou noir, là. Quand t'as... Oh, non, mais c'était tellement drôle. Quand t'as imité Emmanuel Bémer, pis là, je te disais, Emmanuel, ah oui, comme Emmanuel, tu sais, les films d'Emmanuel, là, tu t'es fâché. Là, tu m'as dit, Jasmine, Emmanuel Bémer, c'est Emmanuel avec un M, pas deux M. Il dit, ah ouais. Comme Mathieu Chédid. Oui, Mathieu, c'est juste un M, mais c'est Mathieu. Mais lui, c'est Emmanuel avec un M. Pourquoi un M, pas deux? C'est un artiste. C'est quelqu'un d'ornant. Il est plus intelligent que les autres. C'est pour ça qu'il s'est dit, je vais pas aller dans la capitale. Moi, je vais rester en périphérie. M'a faire pousser ma... Mais, non. non, j'allais dire faire pousser ma graine. Oui, mes graines, tu sais, mes petites graines, un peu partout. Là, je veux pas dire que Emmanuel a des petites graines. Ben, je veux, oui, il y a des petites graines, mais je veux pas parler de ça. Non. Monsieur, madame, mademoiselle, et toi, Jasmine, tu as voulu rigoler là-dessus. Donc, je ne veux pas m'avancer ni reculer, parce que les cha-cha, ça m'énerve. Pas parce que j'aime pas la danse cha-cha. C'est parce que le cha-cha, on n'arrive à rien avec le cha-cha. Le Charleston, il y a quelque chose, mais le cha-cha, c'est... Hein, on avance, on recule, on avance. T'avances ou tu recules? Dans la vie, si tu fais ça, là, tu vas être statique. Dans le dans la statistique des gens qui ne bougent pas, il y a une chose qui sort constamment. C'est l'ennui. The spark in your eyes sets my soul on fire. Your voice is like an angel above. The touch of your hand, woman, drives me insane. I wants to be loved. Crazy about every little thing you do. I even cherish your hug. Your kiss is so sweet, honey, thee can't they be. But baby, I wants to be loved. my friend. I love the way you walk when you pass me by, even when you try to snub. The touch of your hand, honey, drives me insane. But baby, I want to be loved. That's it. Je sais pas ce que je veux dire. That's it. C'est pas that's it qu'elle dit, c'est that's it. That's it. Ouais. That's it. Arrête, c'est pas that's it qu'elle dit, c'est that's it. Pourquoi tu te fâches? C'est juste l'anglais, là, c'est pas important. On est des francophones. Respectons notre langue. On peut bien batifoler sur that's it. Hey! Tu me dis encore la titre, Puis quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Bon, calme-toi. Il y a une expression ici, hein, qui dit calme-toi le pompon. Ça, je comprends pas. Pourquoi calme-toi le pompon? Qu'est-ce que ça fait? Un pompon, ça se calme pas, là. Et si on dit ça, ça veut dire que le pompon se calme. Il se calme où? Sur la tuque. Parce que normalement, on met un pompon sur une tuque. Ou sur un... Comment on appelle ça? Un truc, un mochemolo? Ben oui, t'as l'air d'un mochemolo. Une guimauve, hein? Non, c'est... Un bonnet? T'as l'air d'un bonnet, bonnet, oui. On te l'avait dit en 72, hein? Achète pas de poste. Le jour où tu vas te procurer cette voiture-là, tout le monde rira de toi. Tout le monde rira de toi. Même Gigi la morose. Dalida me l'a dit, si tu veux te faire écrire une chanson, continue comme ça. Tu es le pitre de ta région. Puis, hey, personne ne veut être le pitre de sa région. On veut être sur le... Oui, on veut être le pic de sa région. Tu sais, être au zénith et être au-dessus de tout, être presque un dieu. Mais là, à force de toucher les étoiles, allons-nous finir comme Nietzsche, ce pauvre Frédéric qui se foutait pas du monde entier, mais qui était tellement pris dans sa réalité. Parce que tout le monde a sa réalité. Et on vit dans une réalité. Alors, tous les microcosmes de réalité s'enfargent à travers la réalité. Qui est la grande bulle, qui est le macrocosme de plein de microcosmes. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? T'endors le monde. Non, hey, je ne suis pas là pour endormir, là. Si je suis là pour endormir, là, j'ai une belle petite chanson pour s'endormir, là. C'est la poule... Non, je peux-tu la chanter, madame? On est-tu prêt? Le son, l'orchestre n'est pas ici. J'avais demandé l'orchestre symphonique de Beethoven... Beethoven n'est pas là. Non, mais c'est le chien, le Beethoven. Pas le... l'autre, là. C'est quoi, l'autre? C'est un pâtissier, là. En tout cas, pas le pâtissier qui fait... Non. Moi, c'est le chien. Il va y avoir de la musique qui a du chien. Oui, mais madame... Oui! Beethoven, là, c'est pas un nom de chien, là. On donne des noms de chien à ce qu'on veut bien donner. Là. On choisit le nom. Mais Beethoven, c'est un auteur... compositeur de musique classique comme Chopin, comme Berlioz, comme il y en a tellement, j'y vois défiler dans ma tête, mais ma bouche n'a pas assez de temps pour tout placer un après l'autre à la queue leu-leu, mais à la queue leu-leu, ça me donne une petite malheureusement, une petite chanson. Ben oui, Carlos! Non, ça, c'est ma version. L'aimez-vous? Ça ne fera pas un succès? Tant mieux. Parce que moi, Carlos, j'ai un grand respect pour Carlos, qui est un chanteur. Puis savez-vous qu'au Québec, là, toutes les chansons de Patrick Zabé, ben c'est des mélopées que Carlos faisait en France. C'est tous les succès de Carlos, règle générale, Patrick Zabé les reprenait. Je vous le dis, je ne suis point un menteur et si c'est malheureusement une supercherie, j'aimerais que Carlos, qui est ici partout, là, parce qu'il il n'est plus sur Terre, mais quoi qu'il est partout, donc sur Terre aussi, que Carlos Dolto, sa mère était une femme, oui. Hein? Voyons donc, toi, sa mère était une femme, tu dis pas n'importe quoi, là. Depuis quand les mères sont des femmes? Depuis quand les mères sont simplement des femmes? Les mères sont des êtres venus d'un monde parfait pour venir peupler la Terre. C'est des déesses. Nous devrions tous les jours glorifier toutes les femmes. Mais là, je pense que tu es en train de... Non, je suis pas en train, moi, là. Je suis à pied, bah oui. J'ai pas les moyens financiers de prendre le train. J'ai essayé de prendre le vélo. Mais là, il n'y a pas de pneus après. Ben, il y a des pneus, mais ils sont crevés. Puis là, je me sens un peu comme eux, là. Quoi? Crevés? Ouais. Yeah. roll. Imaginez-vous, je ne veux pas vous, vous angoisser avec ça, mais le petit Benjamin, qui a à peine un an, ben, il a eu son année, il a un an. Ben, OK, il a un an et quelques semaines. Et il a attrapé pendant les fêtes. C'est quand? C'est Noël ou jour de l'an? Ben, mon, j'aime pas sa voix, moi. Non, mais écoute, t'es pas habitué, là, c'est Georgette. Georgette Plana, la chanteuse. Mais oui, je sais. Oui, mais là, tu vas te dire, t'as pas l'accent français, c'est normal. Parce qu'à la fin de ma vie, j'ai décidé de vivre à Choum, à Québec. À Québec, et puis avec un Québécois. Entouré de sa famille québécoise. Donc, l'accent, je l'ai pris très, très vite. Moi, je suis une imitatrice d'accent. Mais là n'est pas mon propos. Mon propos est le tien. Alors, vas-y. Ben, c'est ça. Excuse-moi, Georgette. Ah, de rien, mon enfant. Je te pardonne. J'ai un cœur tellement grand. Oui, mais Georgette, en plus, j'adore tes chansons. Ah, oh, mon! Tu me connais comme chanteuse? Ben, voyons donc, Georgette Plana. La Georgette Plana. Ah, oh, mon! Hey, plus tu parles, plus je t'adore. OK, voici, continue ce prépuce. OK. Alors, le petit Benjamin, son père a attrapé la COVID. Et c'est pas le COVID, c'est la COVID, OK? Allez voir sur Internet les Français là, qui me reprennent tout le temps. Non, non, hein? Le Québécois, là, c'est pas la COVID, c'est le COVID. Non. C'est vous qui avez tort. Demandez à Michel. Ouais, mais écoutez. Non, Michel Thor. Ah! Non, c'est une blague. C'est une blague. Oh, non, mais j'aime ça, ce genre d'humour-là. Ouais, mais t'es le seul. En tout cas, il a attrapé la COVID. Benjamin. À peine un an. Il avait à peine un an, il était beau comme un enfant. Ben, j'espère que c'était un enfant, c'est un bébé même. Et, il l'a tapé, là, il y a quelques mois. Il se porte très bien. Mais c'est quand même assez spécial, hein? Il n'y a pas de vaccin pour la COVID, mais comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé, il y avait une petite fièvre. Le petit nez qui dégoûtait un peu. Il parlait autant, il mangeait un peu moins. Ça va lui faire du bien, il mange, t'en parles. Il mange. Un an, là, ça mange plus que son père, puis c'est presque une blague. C'est presque pas une blague. Mais on va vous dire que sa femme, là, ils sont pas mariés, donc sa copine, sa douce aimée, qui s'appelle Mimi, on l'appelait Mimi, c'était mon ami. Non, Mimi. Un peu Mi, Do, Ré, Mi. Non, mais c'est Mimi. Voilà, ben là, Mimi, je suis sur la note. Mi, figue, mi, raisin, je m'en vais tous les matins. Mi, figue, mi, raisin. Non. Son prénom. À qui? À la mère de Benjamin, je sais pas moi, c'est mi, tu dis mi, ben oui, mais c'est, ça commence par mi. Ah, oh, ça commence par mi. Mi, Mireille, non, non. Mi, mi, mi, oui, non, non, non, oui. Mi, mi, ça ne vient pas. Mi, Michael! Non, non, non, non, non, c'est pas ça. Voyons donc. Mimi, mimi, mimi, Michanote, moi là. Mimi, mimi, mimi, mimi, mimi. Un, deux, trois. Un, deux, trois, gorgeon. Miriam! C'est ça! Donc, tu quelque chose, moi là, là? Mon estime des plus sincères, hein, mon doux. Tell me your name. but you're taking me down on your daddy's phone. Ça nous fait plaisir, là. Vous êtes où? Dans quel bar? Dans quel univers, surtout? On parle pas de bar. Non, non. Dans quel univers? On respecte tout le monde. Vous êtes fabuleux. Madame, vous êtes fabuleuse. Fabuleuse. Vous-même, vous illuminez par votre voix et votre... C'est l'énergie pure. Comment on peut retracer l'énergie pure? Ben, rien d'or. Comment on peut retracer l'énergie pure? Ça, est-ce que tu te rappelles, toi, mon ami, quand tu étais à l'école, puis le professeur arrivait avec toi, puis te regardait, ben, viens donc, comment on fait ça pour, reconnaître l'énergie pure? Toi, tu étais là, ouais, là, je sais pas, l'énergie pure, je sais pas, là, être attentif. Non, non, hey, comment on fait pour reconnaître l'énergie pure? T'as l'air d'un imbécile quand tu te poses la question. Tu sais, moi, j'aimerais ça être l'étudiant, là, bien relax, avec le sens de la répartie. Le professeur arrive. Comment on fait pour reconnaître l'énergie pure? Il parle ça au petit futé, là. Ben, c'est pas compliqué, là. À la pureté de son énergie. Et, en passant, là, pour avoir l'air intelligent, il faut toujours reprendre la phrase de la personne et la modifier un peu. Ça, c'est une recette, là. c'est gratos. Si vous écoutez, c'est correct. Si vous êtes membre, c'est gratos. 25$, c'est correct, soyez membre. Si vous ne l'êtes pas, là, je serais gêné à votre place. Gêné, là. Je marcherais à terre pour ne pas être vu parce que les ondes vont partout. Demain, là, 418-640-2575, vous appelez. Vous devenez membre pour 25$. Juste 25$. Vous aidez votre radio. On peut aller un peu plus haut, un peu plus loin, comme je dis souvent. On peut franchir puis avoir du son là, qui a de l'allure, là, même. Ça a de l'allure, là, à soir, là. Vraiment, on a les trompettes de Saint-Tropez. On a les bouchons de bouchonnette. La bouchonnette aiguë. L'avez-vous entendu, la bouchonnette aiguë? Ben non, elle était bouchonnée. On l'a pas entendu, c'est ça. On a la capacité d'arrêter tout ce qui peut pas être bon. Quoique là, ça fait presque quoi, 51 minutes que c'est pas... c'est quoi, ça laisse à désirer, madame? Oh, vous le tenez à la laisse, vous, votre mari. Ah, mon doux! Pour le meilleur et pour l'emprise. Pour ça qu'il faut dire, là, hein? Quand le monsieur qui est là, là, avec la soutane, qui n'a jamais rien connu d'une vie amoureuse, quoique peut-être un amour comme Ovid Plouf, avec Cécile... T'as connais pas, toi, hein? C'est un roman. Et puis, ça raconte l'histoire de la famille Plouf. On va faire court. On va faire très court, là. L'émission fait... Moi, ça fait 2 heures. Mais j'ai mon invité, là, bientôt, là. Mon invité, là, il est là, puis... il tourne en rond, puis il se prépare, là, hein? Il est comme sur le gros nerf. Il y a le nerf. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est autour d'une table, on mange... On parle, c'est ça la vie. Manger, parler, boire. Mais là, mais il va vous... En tout cas, je peux pas vendre le punch avant qu'il soit chaud. Le punch! Eh, hey, monsieur, je pense que ça va pas très bien ce soir. Ça ne va pas très bien ce soir. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah. Ma vie, mon désespoir. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah. Tombe la neige, imbécile, ma neige. I'm going out walking down on the streets. I'm going out walking down on the streets. I'm gonna walk the red side because I know she can't be beat. Well, I know she's in love with me, and I know what I'm talking about. of my woman. No telling what you do. Now that girl, she may cut you. She may shoot you too. Ce soir, il y a des affaires qui se passent. Emmanuel Bémer, un être tout azimut, auteur, compositeur, interprète, comédien. Nous allons l'entendre nous raconter son univers, sa vision de la vie, tout en mangeant avec moi. C'est bien, hein? À toi l'artiste! Si je t'idéalise, quand tes courbes m'évoquent les hauteurs ou le clocher d'une église, et que tu tiens la barre de mes humeurs. Mais ton corps est celui d'une femme, voyons, et non d'une nymphe grecque. Ton esprit tout comme ton âme ont leurs imperfections intrinsèques. Tu te demandes si je t'idéalise ou si avec la lune, ton charme rivalise en rayon taciturne. Tu te demandes si je t'idéalise quand je me bats ongles et bec pour te garder sur la banquise et non sur un piédestal de tes. Mais tes clochettes sont celles d'une femme, voyons, et non d'une fée ou d'une elfe. Tes ailes et tes cheveux de flamme sont choses communes à Delphes. Tu te demandes si je t'idéalise quand le soleil se couche avec tes iris et que les étoiles sont tes balises qui me guident parmi les abysses. Tu te demandes si je t'idéalise. Je te réponds d'un signe de tête. Non, mais n'est-ce pas avec un semblant de maîtrise le propre et le commun d'un esthète. Tes yeux sont ceux d'une femme, voyons, et non un océan blême où mes désirs se pâment et je t'aime comme t'aimes. Et je t'aime comme t'aimes. Et je t'aime comme t'aimes. Oh oh, et moi je t'aime avec tes ailes. Alors, ouais. Salut. Allô mon ami. Salut Renan. Ça va bien toi? Ouais, ouais. T'es triplement vacciné? Ouais. Ok. Oui? Avec ta moumoute. Non mais c'est vrai? Oui, oui, bien sûr. Sinon, comment ça va? Ben bien. Et puis le voyage, comment ça a été? Ben ça a été... C'était... tu sais, ça va vite, ça met 1h30. 1h30? En TGV. Mais en voiture, c'est plus long. En voiture, ça met 3-4 heures, ouais. Hé! Hey! Ouais. Hey, vive le TGV! C'est toujours plus court que de venir de Québec en... Ah ouais, ouais, ouais. Ben quoi que... Je me suis rendu compte que... Aller de Québec à Port-Cartier, qui est dans le nord du Québec, ouais, ça prend 7 heures. Et pour venir de Québec à Paris en avion, ça prend 6h30. Il y a une ville qui s'appelle pas de quartier. Port-Quartier. P-O-R-T. P-O-R-T. P-O-R-T, trait d'union, C-A-R-T-I-E-R. D'accord. Et ça prend 7h30 pour y s'y rendre. C'est même pas le quartier comme le quartier de Bœuf. Ah non, ouais, c'est ça, non. Parce que je suis dans la piraterie, alors tu sais, quand t'as le nez dans le guidon. C'est ça, exactement. Port-Quartier. Oui. Port-Quartier. Ouais, donc, ouais, c'est ouais, moins long venir à Paris en avion que d'aller à Port-Quartier en voiture. Ah ouais. Ouais. Et c'est à combien de kilomètres? Oh, je peux même pas te le dire. Il y a au moins, tu mets plus de 6 heures. Ah, 7h30, mais c'est, en hiver, c'est plus long parce que les routes sont quand même, oui. Mais glacées aussi. Donc, et toi, ça va? Faut que je vienne. Oui. Mais c'est de moins en moins vrai avec le réchauffement climatique. Ah oui. Ça, c'est fou. Ça, c'est dramatique. Et vous continuez à bien aimer la neige? Ben, en fait, nous, il y a 10 centimètres, aimer, on pleure. Oui, mais parce que vous n'êtes pas, comme on dit chez vous, vous n'êtes pas grillé, vous n'êtes pas équipé pour la neige. Nous, on est équipé. Grillé, comment tu l'écris? Grillé, G-R-A-Y-R, grillé. En fait, c'est du joual. Le joual vient de cheval, parce qu'à un moment donné, Je prends des notes. Mais t'es pas obligé. C'est moi qui prends des notes. Non, mais tu vas avoir l'enregistrement, tu vas pouvoir te réécouter tout ça. En diminuant en étirant la vitesse, donc ça va aller un peu plus tranquille, tu vas pouvoir prendre des notes. Tu vas arrêter de fumer? Ouais. C'est-tu bien parti? Ouais, ça fait 2 ans. Ah, que tu pompes pas encore? Ouais. Ouais. J'ai arrêté l'alcool aussi. Ah oui? Ouais. Hein? Parce que arrêter de fumer, je trouvais ça un peu trop facile, alors je me suis dit je vais arrêter de boire aussi. Non, mais parce que souvent, là, ben c'est vrai, parce que souvent, quelqu'un qui boit est attiré par la cigarette. Ah oui. Moi, j'ai plein de copains qui ne fument plus, sauf quand ils boivent. Oui, c'est ça. Ça, c'est terrible. Ouais, c'est comme ici, c'est les, comment on dit, les polyaddictions. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Les interactions. C'est vrai. Délictueuses. Un va pas sans l'autre. C'est ça qui est. Ouais. Puis sinon, tu as fait un spectacle récemment? Eh bien, j'ai fait le pompon. Est-ce que tu as reçu l'album du pompon? Non. Ah là là, je l'ai envoyé à la radio, j'aurais pas dû peut-être. Non, c'est ça, exactement. Non, mais c'est pas grave. Tu m'enverras un lien. Non, c'est pas grave. Tu m'enverras un lien WeTransfer, là. Puis non, ça a passé. Moi, je voulais t'envoyer l'objet parce que c'est un bel objet qui est illustré. Il y a 32 pages. Et tu l'avais mis à mon nom? Bien sûr. Je me suis dit... Il y a combien de temps? Il y a bien 2 mois. Ah, je vais demander. Je pense que notre rendez-vous était déjà calé, je voulais te faire la surprise. Ah, merde. Et je me suis dit que tu m'avais pas dit que tu l'avais reçu pour me faire la surprise. Non, pas de surprise. C'est bizarre. C'est CKRL, hein, c'est ça? Oui, c'est CKRL, 405 3e avenue. À Montréal. Québec. Oui. C'est ça, 405 3e avenue. Oui, j'avais regardé l'adresse et tout sur Internet, mais je pense pas qu'il y ait 15 adresses. Non, il y a juste une radio CKRL. Mais si tu as mis, exemple, CKRL, Errance Rénaldienne et l'adresse, mais si tu as juste mis CKRL, ben là... Ouais. Tu as juste mis CKRL? Non, j'ai mis l'adresse et tout. Non, mais tu n'as pas mis mon émission? Ouais. Ah, tu as mis mon nom? Ouais. Je vais... Moi, j'imagine que c'est le Radio France québécois. Oui, c'est ça. Non, Radio France, c'est Radio Canada. Ouais. Parce que ça, c'est la radio d'État. Radio France, c'est la radio d'État. CKRL, c'est la radio communautaire, un peu comme radio anarchiste. Oui. Ici. D'accord. Puis il y en a d'autres en France, des radios libertaires. Donc, on a réussi à créer le pompon. Tu parles, la première qu'on a donnée, c'était dans une salle de 900 places avec 15 professionnels. En plein, les seuls autorisés, quoi. Pour acheter le spectacle ou... Ouais, c'était une façon de, je sais pas, de pas perdre le contact, de créer quand même, entre guillemets. J'aime bien parce qu'en théâtre, on part du principe que le spectacle n'est pas créé à proprement parler tant qu'il n'a pas été montré, tant qu'il n'a pas été dévoilé, tant que... Et donc, du coup, ça génère plein d'ambiguïté parce que tu es toujours en résidence de création, mais ça peut durer 10 ans. Ouais, et donc, tant qu'il n'a pas été vraiment donné à un public normal, avec des vrais gens, pas des professionnels. Ouais. Parce qu'on était encore là, moi je grinçais des dents, genre, c'est encore les professionnels, tous ceux qui ne payent pas leur place, qui sont encore privilégiés. Et... Puis les grincheux aussi, c'est eux qui sont grincheux. Ouais, en plus, quand on reparle de cette date, ils disent « Oh, c'était triste hein. ». Oui, c'était triste, nous on était hyper contents, on avait un théâtre immense avec un dégagement de 10 mètres sous plafond. Mais c'était triste dans quel sens? Ta pièce n'est pas... vide. Non, okay. Oui, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il te donne un ressenti très personnel. Ouais. Mais, une grande salle pour 15 personnes qui te jugent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et eux, ils étaient complètement suraffectés par le fait que c'était vide et que c'était triste et que c'était le Covid. Et c'est vrai que En fait, très vite, on a parlé de commerce essentiel en France. Donc, bah, par comparaison, on s'est senti non essentiel, tu vois. Et ça, c'était terrible. Et du coup, bah, moi, nous aussi, les comédiens. Oui. Et j'ai plein d'amis, il y a plein de techniciens, notamment, tu vois, des techniciens qui poussaient des wagons toute l'année, ils déposaient des heures et des heures, qui sont soit reconvertis. Là, moi, j'ai cette expression qui est un peu morbide, mais c'est-à-dire qu'on compte nos morts, quoi. C'est-à-dire qu'entre les ruptures, les reconversions, il y a eu quelques suicides aussi, parce que les mecs, ils sont passés d'un truc trop plein, tu vois, comme un camembert à 360 degrés qui est plein, à un camembert complètement vide. Et ça a été, et du coup, ben, j'ai plein de copains en burn-out aussi, de copains et de copines, parce que t'as envie de te prouver, et de prouver au monde entier que si, t'es essentiel, quoi, et que, ben, tu vois, tu penses à Malraux, tu penses à même à Jack Lang, c'est pas une comparaison, mais tu te dis, mince, quoi. Mais ça n'a pas été facile pour personne. Non. Non, non. Mais c'est fou, hein, ça nous a frappé en plein dans la gueule, puis on s'en remet à peine. Ouais. Ouais, et puis... Parce que les gens, ils sont ici, sur les terrasses, mais ils vont plus voir des spectacles. Ouais. C'est fou. On est aussi collés ici que... Ben, moi c'est pas du tout prétentieux, mais c'est une espèce d'intuition que j'ai eue tout de suite, parce que... C'est pas prétentieux, parce que moi j'ai toujours galéré à remplir des salles. Donc je me suis dit déjà avant, c'était difficile pour les faire venir, mais alors là, maintenant... Et puis maintenant, ils sont tous abonnés à Netflix, à Deliveroo, à machin, ouais, c'est ça. Il y a un philosophe qui dit que quand on était chasseurs-cueilleurs, on était nomades, on s'est sédentarisé, et la sédentarisation, elle continue, tu vois, avec Internet, tu peux tout faire de chez toi, c'est terrible. Ouais. Tu bouges pas de chez toi. Ah ouais. Puis, tu peux même faire des emplettes de chez toi. Donc, tu peux recevoir des produits, ton lait, ton pain, puis tu te déplaces pas. Ah ouais. Puis c'est pratique pour certains, là. Puis avec la COVID, ben, ils ont développé une nouvelle chose qui s'appelle le télétravail. Tu fais ça à partir de chez toi. Ça, c'est terrible. Ben oui, tu bouges pas. Restes en pyjama tout le temps. Hier, j'ai fait un zoom de 2 heures, mais je devenais fou. Moi, Zoom, la caméra, elle marchait pas comme d'habitude. Okay. Je m'en suis très peu servi, quoi. À chaque fois qu'on me proposait le choix entre... Un Zoom, pourquoi? Pour une discussion? Ouais, pour une visio. Je trouve ça terrible, quoi. T'es là, t'as quand même 25 congénères en face de toi qui sont pas là. Alors, ben, ça a peut-être sauvé, ça a sauvé plein de choses, plein de vies, plein de monde. Quand c'était strictement nécessaire, tu vois, indispensable, mais... Ah non, mais faut bouger, faut rencontrer les gens, tu vois. Oui, faut... J'ai fait combien de kilomètres, c'est chouette, quoi. Ah, mais tu sais que quand tu prends l'avion, t'as toujours le masque, hein? Tu gardes le masque. Non, moi j'ai pris le train sans masque, là, c'est agréable quand même. Est-ce que tu peux mettre... Est-ce que t'es obligé d'avoir le masque? Non, c'est ça. À bord d'un avion, pourquoi c'est plus dangereux que dans un train ou dans un bus? Ouais. C'est fou. Je suis comme tout le monde, je marche toute la journée, je fume des marques blondes et je bois du café. Je suis comme vous et moi, en presque tout, si ce n'est que je suis un peu plus moi que vous n'êtes vous. Je ne suis pas plus gros, je n'ai guère plus de hargne. Je paie des impôts sur tout ce que je gagne, sur tout ce que j'épargne. Et moi aussi j'aime que l'on m'aime, et j'aime que l'on me désire. J'aime surtout quand je sème dans mon sillage des sourires. Et j'aime quand sur mon cul se posent les regards intrigants. J'aime quand ces regards causent des accidents. Je suis comme tout le monde, je fais des tours de passe-passe, mais les badauds me répondent en sifflet ça lasse. Et je vous assure que ça lasse. Tout ça parce que j'ai besoin de tendresse, et j'ai besoin de baiser. Mais mon quota peste est un peu plus élevé, car je suis une pute. comme vous dites si bien, comme vous dites en rute, je suis une putain, oui je suis une pute, la plupart du temps ça vous dérange, mais quand je vous fais une turlute, ah là vous m'appelez mon ange, ah oui mon ange, ah oui mon ange, je suis un ange, je suis... Je suis comme tous les anges. Je suis une pute, mais sans mes ailes blanches, plus dur sera la chute. Mais ton projet, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu veux le reprogrammer, le refaire? C'est pas tombé aux oubliettes? Non, c'est pas tombé, parce qu'on a, on a tenu le coup et... Bonjour. Et c'est très bien reçu. Serviez-vous. Je t'en prie. T'as mangé, t'as faim? J'ai un peu faim, moi. Ben oui. Et il y a un petit tataki, là. Il y a un tataki de saumon. Non, je suis content, parce que c'est très bien reçu et... Oui? Oh non. Ah, une andouillette, j'aurais été ravi. Oui, moi aussi. Non, et puis moi, tu sais, c'est mon premier spectacle jeune public, donc je savais pas du tout comment ça allait être reçu. Ouais. Moi, j'ai une écriture qui est très dense, avec des mots compliqués. Bon, bah, j'ai quand même fait attention à pas mettre en tépénultième et je sais pas quel mot compliqué, parce que c'était pour les enfants. Enfin, pour les enfants, c'est un tout public, en fait. C'est un tout public à partir de 6 ans. Et c'est génial, parce que tu t'adresses aux grands enfants aussi. Aux parents. Ouais. Aux parents qui comprennent quelque chose et les enfants, eux, en dessous, ont. Ouais, donc tu as différents niveaux de langage et tu as différents niveaux de lecture, exactement, et tu as des rires hyper différents. Ça arrive pas au même moment. Enfin, quand tu as une salle de 7 à 77 ans, c'est génial. Ouais. Puis tu l'as juste fait une fois? Non, on l'a fait peut-être une vingtaine de fois, là. Et je suis hyper content parce que tous les professionnels qui viennent, ils l'achètent quasiment tous, tu vois. Il y en a qui n'aiment pas, hein, mais c'est... Peut-être... On peut pas plaire à tout le monde, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Et tu vois, on a quand même... on va pas parler en chiffres, mais il y a quand même un taux de réussite de 80%, parce que c'est hyper difficile de faire venir un professionnel. Et une fois qu'il est là, t'as l'impression que le travail commence. Ouais. Donc, tu peux discuter de ton spectacle, et là, il va commencer à te dire « gna gna gna », et c'est trop... Et c'est sous-éclairé, et machin, et bidule, et... Mais c'est drôle, c'est reçu assez différemment. Il y a des gens qui trouvent qu'on est des mauvais acteurs. Un gars qui nous a dit « Oui, alors les parties musicales, c'est bien, mais sous-entendu, vous n'êtes pas du tout acteur, les gars. » Parce que tu es avec ton guitariste, c'est ça? Ouais. Et c'est bref. Mais pourquoi que le bonhomme disait ça? C'est... Je sais pas. Est-ce que c'était voulu jouer de cette façon-là? Non, mais c'est vrai que Jean-Nicolas, le guitariste, il n'est pas comédien. Ok. On a joué là-dessus. On a joué sur le fait qu'il ne veut pas prendre la part. Et ça, je suis obligé de le pousser pour y aller. Ouais. Et moi, j'ai pas de formation de comédien, mais j'ai de plus en plus, on m'appelle pour faire le comédien, ça me fait rire. Tu vois, je veux dire, c'est de l'usurpation jusqu'au dernier. Non, mais quoi qu'un chanteur est un comédien, parce que vous vivez vos chansons, il ne faut pas... Bien sûr, c'est un interprète. Ben oui, exactement. Interprète, c'est ça, c'est jouer sa chanson. C'est interpréter, c'est... Ben, ouais. C'est hyper important. Mais c'est quand même, je trouve, frustrant de se faire dire ça par un... Oui, bon, c'est arrivé qu'une fois, et puis c'est des gens qui ont... c'est des gens qui programment 3 spectacles à l'année, donc il faut bien qu'ils te disent pourquoi ils ne le prennent pas. T'as-tu la même chose de ce côté-là, toi, non? Ben, ah, toi, c'est juste le liquide, ça? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liquide. Je pense que c'est le côté liquide, ça. Ah oui, t'as raison, c'est que... C'est juste du liquide, ouais, tiens, ben, je vais te laisser ça. Ouais, il y a un petit truc. Ouais, c'est cool. Y a un petit truc japonais là. Pièce de bœuf. Oh, je pense que c'est ça que je vais prendre. Moi. Moi, c'est ça que je vais prendre. Ouais, vous allez prendre tous le bœuf. Faire venir chez moi, non? Bah ouais, on va prendre la carte. Ouais, ouais, moi aussi. Une pièce de bœuf? Ouais, exactement. Moi je vais prendre un tataki. Allez. Qu'est-ce que vous voulez boire? Vous voulez quand même le café ou pas? Oh, pas de café, oh non, j'ai déjà problème de sommeil. On exagère. Ouais, je veux bien, s'il y a un peu d'attente. Ouais, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente, bah, pas de café. Après, alors. Ah, après. Et la cuisson? Bleu, s'il vous plaît. Ouais, oui, pas de soucis. Martini rouge. C'est pour madame, il parle pas. Il parle moi, je vais prendre de l'eau, moi, c'est. Moi, je vais prendre un Perrier. Si Badois, ça vous va? Badois rouge, ouais. Rouge. Non. Et pour oh, vous de l'eau. Carafe. S'il vous plaît. Du carafe. Mais vous n'avez pas demandé autre chose? Non. Ouais, alors, tu l'as fait 20 fois, mais éventuellement, est-ce que tu l'as tourné ou tu l'as juste fait à l'ancien? On l'a tourné pas mal. On a réussi à décaler toutes les dates qu'on avait prévues. On avait prévu des dates, je sais plus quoi. Ultérieures. Et du coup, c'était assez génial parce qu'il y a un théâtre en banlieue parisienne qui nous... Il programmait deux spectacles de deux mois d'affilée et on n'a pas réussi à les reprogrammer d'affilée, donc on a été deux fois, on s'est retrouvé deux fois dans la saison d'un théâtre. Non mais en plus ça coûte cher, toujours moyen. Ouais. Ah ouais. Puis la salle était quand même, c'est une salle de combien de places? C'est une petite salle de 150 places je crois. Est-ce que les 150 étaient... Ouais, ça a été. Et puis c'était assez... Ce qui est génial et fatigant aussi, hein, mais... Les spectacles jeunes publics, tu les joues deux, parfois trois fois par jour. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Puis est-ce que c'est quelque chose d'assez dynamique? Est-ce que ça demande beaucoup? Oui. Alors physiquement, faut être prêt. Ouais. En plus, moi je me suis rendu. Je sais pas si j'en avais conscience, mais en fait, je sacralisais en fait le spectacle jeune public parce que j'ai une fascination pour la. Pour Peter Pan, le Peter Pan de 1904, pour la pièce de théâtre de James Matthew Barry. Et du coup, j'ai été biberonné au Renault. Et moi, c'est vraiment des Madeleines de Proust, tu vois, les Mistral gagnants, la pêche à la ligne. Pas la, moins la pêche à la ligne, mais il y a une chanson qui s'appelle Le sirop de la rue, qui est géniale, où j'ai 10 ans de Souchon, tu vois. Ouais. Des chansons de Mano Solo aussi, La vie c'est pas du gâteau, Pierrot, de Renaud, tu vois, où tu te dis... Et du coup, je me rends compte que je suis obsédé par l'enfance et surtout, tu vois, pourquoi c'est une espèce de pépite qu'on a tellement de mal à garder. Alors, parce que je pense qu'un enfant paye pas ses factures, donc ça intéresse pas le capitalisme. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Alors que bon, les enfants, c'est la clé de voûte du capitalisme. Oui, quand, mais... Quand tu vois ce que ça te contraint à consommer, un enfant. Mais quand on envoie un enfant faire des achats, exemple, la mère veut avoir une pinte de lait, elle envoie son enfant, il n'est pas traité comme un adulte. Hein. Mm. C'est comme si... Parce que lui a pas de... ne travaille pas, il est moins que rien. Mais ouais. Comme si on justifie. On a assez peu de considération pour nos enfants, je crois. C'est comme si on justifiait le travail par le fait d'être entendu, écouté. Ouais. Bah, c'est la dignité dans le travail. Nous, c'est Sarkozy qui nous a fait beaucoup de mal avec ça. Ah, mais c'est planétaire, parce que chez nous aussi, si tu ne travailles pas, tu es moins que rien. Ouais. Tu es un lâche, mais il y en a qui sont inaptes au travail. Ouais, moi, j'ai interrogé des anciens sidérurgistes, parce que je viens d'une région qui est très sidérurgiste, très minière. Et je ne les ai pas interrogés. Évidemment, ils étaient morts. J'ai interrogé leurs veuves. Ouais, c'est ça. Mais les mecs, ils étaient à la retraite. Ils allaient encore à l'usine, parce qu'ils n'avaient pas quoi faire d'autre. Puis ils avaient l'impression d'être des merdes, quoi, s'ils ne travaillaient pas. C'est fou, ouais. Alors que les mecs, ils avaient trimé pendant 50 ans dans l'amiante. Et non, ils y retournaient encore. La pression. La pression sociale. Ouais. Quand tu es à la retraite, tu redeviens un enfant parce que tu n'as aucune dignité, tu n'as plus de... Mais tu as travaillé toute ta vie à construire... Du coup, les gens sont complètement perdus à la retraite, quoi. Parce qu'on ne prépare pas. Mais j'ai jamais compris pourquoi on ne préparait pas les gens à la retraite. Puis en même temps, la retraite, c'est quoi? Tout ce que tu as mis de côté, là, tu peux le faire. Ben ouais, exactement. Tous les livres que tu as achetés, tu ne pouvais pas parce que tu étais dans la vie active. Puis encore là, la vie active, c'est est-ce que parce que tu travailles, tu es dans la vie active? On devrait tous avoir un cahier où on note tous les jours, toutes les semaines. Les choses que tu dois faire. Mais la vie active, pourquoi qu'on dit la vie active? un retraité est aussi dans la vie active. La vie, ça bouge, tout le monde bouge. Ouais, ouais, comme tu dis à une fille quand elle a ses règles, tu dis maintenant t'es une femme. Ok, bah t'es quoi après? T'es quoi quand t'es ménopausée? Et c'est vrai que la vie active. Non, non, mais la femme, mais c'est pas compliqué. La sémantique, c'est terrible la sémantique. Oui. C'est oui. Du bourrage de crâne. Non, non, mais la femme, c'est pas compliqué quand elle a sa menstruation. Là, oh, c'est... là, c'est une femme. Un homme, en Afrique, quand il ramène un animal, là, c'est rendu un homme. Mais... Ouais. Chez les Amérindiens, c'était comme ça aussi. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme? C'est-tu la première éjaculation? Mm. C'est fou de... C'est terrible. Oui, oui. Et du coup, ben, ça tend les... C'est un jeu de mots. Hein. Ça tend les enfants à vouloir être adultes. Et du coup... Ben, oui, mais c'est ça, quand t'es... Quand tu es petit, ben, quand tu es préadolescent, parce qu'encore là, les psychologues se sont fait un grand plaisir à hiérarchiser. Hein. Il y a la première enfance, la petite enfance, la préadolescence, l'adolescence. C'est complètement fou. Ben, on peut appeler ça la vie. Une belle plante, une jolie fleur, fraîche comme une rose, que l'on ne déflore sans peur, on écarte les pétales et on arrose. Toi t'as du lierre qui court sur la peau blanche, jolie fleur et belle plante, des nervures jusqu'aux hanches, une belle plante, une plante grimpante. Mais je me prends des râteaux à la pelle, c'est une mauvaise pioche, tu dois être trop belle ou moi trop moche. Et pourtant tu en redemandes et ton mec creste de glace bien envie de piétiner ses plates-bandes et de biner tes salades à sa place. Et j'essaie mes engrais à tout vent, j'égrène mes sèmes partout temps. Je me fais papa débile, j'ai la jeune débile de rendre fertile l'idylle. Au pistil subtil, ouais mais moi, je me prends des râteaux à la pelle. C'est une mauvaise pioche, tu dois être trop belle ou moi trop moche. J't'aime bien Marguerite, un peu beaucoup à la folie. Excuse-moi si je t'évite, sans te feuiller même à demi. Et je t'aime bien Marguerite, passionnément donc pas du tout. Excuse-moi si je palpite sans jamais aller jusqu'au bout. Alors j'ai acheté une serpette et un sécateur géant. Je suis reparti à la cueillette des pâquerettes à tout bout de champ. Une belle plante, un joli coquelicot, des teintes marrantes, amarantes. Encore une plante grimpante, putain moi je la ferais bien grimper au rideau. Ouais mais moi je me prends des râteaux à la pelle. C'est une mauvaise pioche, tu dois être trop belle ou moi trop moche. Une belle fleur, une jolie plante, plante heureuse, plantureuse à mort. Une dentition plutôt charmante, c'est que ce doit être une plante carnivore. Oulala. À peine le temps de planter le décor, elle me plante la touche chose. Elle m'envoie sans aucun remords, brap à poulet et mouler sur les roses. C'est comme ça que je me prends des râteaux à la pelle. C'est une mauvaise pioche, tu dois être trop bielle ou moi trop mioche. Et moi j'en cueille aucune, comme ça j'ai l'assortiment complet. Si j'en choisissais qu'une, les autres vanneraient, ce serait le bouquet. Et moi j'en cueille aucune, comme ça j'ai l'assortiment complet. Si j'en choisissais qu'une, les autres vanneraient, ce serait le bouquet. C'est pour ça que moi j'en cueille aucune, comme ça j'ai l'assortiment complet. Si j'en choisissais qu'une, les autres vanneraient, ce serait le bouquet. Ça, j'en parle dans les dossiers artistiques de mes spectacles jeunes publics. Je dis pourquoi ces trois états, à minima, hein, trois voire quatre avec la préadolescence. Puis l'adolescence, c'est une invention des temps modernes. Quoi. Mais pourquoi ça peut pas être perçu, ouais. Pourquoi ça peut pas être perçu sous l'angle de la fluidité? C'est-à-dire qu'il y a forcément des ruptures. Comme hey, la crise de la quarantaine, si tu l'as pas à 40 ans, si tu l'as pas, la crise de la quarantaine, c'est quoi avoir la crise de la quarantaine? Ouais. Voyons donc, c'est arrêter de créer des maladies, arrêter de créer des fixations, parce que c'est sur les fixations. Si on dit la crise de la quarantaine, c'est sûr que quand tu vas avoir 40 ans, tu vas aller chercher ta crise. Puis si tu ne l'as pas, ta crise, ben, tu n'es pas normal. Exactement. Et c'est là que tu vas aller consulter. Exactement. Moi, c'est ce qui s'est passé juste avant mon adolescence. Ma mère a senti que je partais en vrille. Et elle m'a offert un livre de Françoise Dolto qui s'appelait Le complexe du homard. Oui, oui. Tu sais, c'est une métaphore parce que le homard, il perd sa carapace avant l'état adulte et il est vulnérable. Mm-hmm. Cette métaphore est géniale. Oui. Mais du coup, je me suis engouffré dans une crise d'adolescence interminable. Comme crise d'adolescence. Qu'elle a déclenché, ouais. En fait. Oui. Enfin, déclenché. Pardon, maman. C'est pas la faute des mères. Oui, ouais. Mais les mères ont le dos large. Ah oui, très très large. Mais pourquoi tu as voulu t'adresser aux enfants? Eh bien, parce que Peter Pan, déjà. Et parce que je pense que je voulais m'adresser aussi aux petits enfants, aux petits garçons, à la petite fille en chacun de nous. Mais ouais, j'avais une vision, et je continue, j'ai une vision assez sacralisée. Et je pense que quand on s'est rencontrés, bah oui, je t'ai parlé de Désaffecté, qui était justement un spectacle sur la désindustrialisation. Oui, oui, oui. Et comme Sting avec Newcastle. Ouais, ouais, ouais. et en fait, ça a été tellement dur à monter, j'ai subi beaucoup de revers que du coup, j'ai différé la création de Désaffecté, qui était un peu le mariage de la carpe et du lapin, parce que je voulais faire coïncider la désaffection des corps et des cœurs avec la désaffectation des usines. Et j'ai mis longtemps à accoucher de cette phrase qui disait vider une usine de ses ouvriers. C'est plus facile de vider une usine de ses ouvriers. Non, c'est pas ça, tu vois, je la retrouve même pas. Ah ouais, pas content. Vider une usine de ses ouvriers peut prendre quelques jours. Une vie ne suffit pas à oublier son premier amour. Et je voulais travailler. Et c'était bien parti, j'ai écrit des super chansons, voilà. Les directeurs de théâtre et de scènes de musique, ça les intéresse pas vraiment. Enfin, tout de suite, ils voient le côté noir et blanc, tu sais, le prolétariat, la lutte des classes, la sidérurgie. Mais tu sais que Colette Meunier en a ramé un coup, elle aussi, hein, parce que vous empruntez le même chemin, entre guillemets. Elle n'a jamais pu... Elle s'est toujours autoproduit. Oui. Elle n'a jamais été sur une étiquette parce qu'elle fait de la musique, elle faisait de la musique politique. La politique, ouais. Tout est politique. Le feu rouge est politique. Mm. Donc, arrêtez de dire que c'est politique. Tout est politique. Tout est politique. Ah oui. Ben oui, bien sûr. Oui, mais on est devant une évidence, mais c'est pas tout le monde qui la voit comme ça. Ben ouais, mais c'est leur problème, tu vas me dire. Non, hein? Mais j'entendais la question posée à France Inter, justement, sur les chanteurs engagés. Alors, à qui on posait cette question, je sais plus. Les chanteurs de maintenant, quoi. Ben, il y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas, mais parce qu'ils n'ont pas non plus l'exposition, quoi. Ils ont pas les moyens de diffusion. Mais, enfin, je vais en revenir au capitalisme, hein. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est sûr que le capitalisme n'a pas du tout intérêt à ce que des Colette Meunier ou... Tu vois, nous, notre artiste engagé, c'est qui? Lavillier? C'est Renaud, avant tout, c'est Renaud. Ouais. C'est Renaud, ouais. Renaud qui se tient souvent aux mascottes, il paraît. Ah ouais. Mais moi, je croyais qu'il restait en banlieue, mais on m'a dit avant-hier que c'était faux, qu'il allait souvent à mascotte. Incroyable, Renaud. Ouais, moi, incroyable, mais bon. La voix est crevée. Incroyable, sauf la chambre à air. Non, non, mais comme je disais à une artiste hier ou avant-hier, c'est que heureusement que Renaud a un public, parce que c'est le public qui chante les chansons. Plus besoin d'avoir de voix. Oui, oui. Puis, mais c'est ça qui est incroyable. Parce que si tu places Renaud, en exemple, en spectacle au Japon, ça ne fonctionnera pas. Place Renaud aux États-Unis, il va se faire huer. Ouais. Parce qu'il représente rien. Au Québec, on le connaît, mais il s'est fait oublier, donc ça serait difficile. Ouais. À part nous... moi, j'ai 57. À part les gens de 50 ans, Renaud, ben, si les parents ont écouté Renaud puis les enfants ont continué, donc oui, mais... Puis ce qu'il fait actuellement, c'est plus rien, là. Donc, c'est vrai que c'est pas très bon. Il faut se rabattre. Il faut se rabattre avec quand il a signé avec Polydor au début, parce qu'avec Virgin, ça commençait déjà à virer. Ouais, ouais. Mistral gagnant, c'est son virage, donc c'est un peu moins bon. Tout le reste, c'est... Ouais. C'est excellent. La légende raconte qu'il enregistrait aux États-Unis, puis il appelle Dominique. Il appelle sa femme et... c'est Dominique? Son ex-femme. Ouais. Ouais. Il appelle sa femme, il lui dit « Ah, j'ai encore une chanson enregistrée, ça me fait chier, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de vous voir, machin. » Elle lui dit « Fredonne-la-moi. » Il lui dit non, non, je viens de l'écrire, allez. Elle insiste. Ouais, c'est Dominique. Et il lui fredonne le début de Mistral Gagnant. Elle lui dit, si tu l'enregistres pas maintenant, je te quitte. Ah ouais. Ah, il lui a chanté ça à capelle, là. Ouais, ouais. Puis le texte était vraiment le texte original. Ouais, ouais, ouais. Et c'est... Ouais, tu penses qu'il venait d'avoir Lola. Mais c'est vrai que c'est dingue parce qu'en même temps... Il était aux États-Unis, pourquoi il va aux États-Unis? Bah parce que c'est comme ça, souvent t'enregistres, même les Français, ils enregistrent en Angleterre, ils mixent en Californie... Et... Ah oui, mais ça, hey, as-tu déjà écouté? Hey, je me suis acheté le... Parce que moi j'aime bien pour le côté BDiste du personnage, c'est un personnage, Eddie Mitchell. Ouais. Moi j'aime bien Eddie Mitchell parce que je le prends pas au sérieux, je le prends comme... Bonjour. Bonjour. Au deuxième degré. C'est moi. Oh, votre tentative. Monsieur, j'arrive avec un couteau parce que vous n'avez pas de couteau. Merci. Et voilà. Bon appétit, monsieur. Merci. Merci. Merci. Et des frites de patates douces. Ah, mais tu peux prendre des frites, hein? C'est beau. Ouais, c'est ça. Ouais, mais sur ces albums-là, surtout dans les années 70, il y a une chanson, OK, il y a il y a un instrumental, il dit « Je suis à Memphis avec le guitariste. » Et là, il nomme les guitaristes. On fait plus ça, c'est Keten. Chez nous, on appelle ça Keten. C'est vieux jeu, c'est archaïque. Et en même temps, c'est drôle parce que c'est Eddie Mitchell. Comment tu l'écris, Keten? Keten. Keten. Q-U-E-T-A-I-N-E. Keten. Keten. Keten. Keten. Comme Québec. Keten. Keten, ouais. Ça, c'est Keten. C'est vieux jeu. C'est vieux jeu. C'est archaïque. Ben, ouais, mais parce que Renaud, il enregistrait aux États-Unis parce que c'est, c'était pas, il avait quelque chose de l'enfant gâté aussi parce que lui, quand il a commencé, il était fan de Springsteen, donc il voulait un groupe de rock. Il l'a eu et il voulait certainement enregistrer aux États-Unis. Puis, c'était comme la belle époque des maisons de disques. Ouais, ça générait énormément de pognon, ils étaient contents, quoi. Ils avaient de l'argent à l'époque. Ouais. Ils en ont encore, mais ils la gardent pour eux. Ouais. Bon appétit. Bon app. Mais... Ah, c'est bien, je suis trop content. Ah, t'aimes ça? T'as pas goûté encore, là? Ouais, je suis content de te voir. Ah, mais moi aussi, je suis content. Avec toi. Ah, mais moi aussi, je suis content. Vraiment. Puis tu pars de loin. Ah, d'abord. Ben oui. Très bon. Ça me fait une petite bulle de respiration. Puis qu'est-ce que tu fais? T'as-tu un autre boulot? Non. Hein, tu sais, en France, on a ce merveilleux système de l'intermittence, alors. Oui, mais là, avec la COVID, vous l'avez perdu? Non, parce que Macron a fini par nous donner une année blanche. Ah oui? Ouais. Alors, il l'a renouvelé. Il l'a renouvelé votre... Ouais, c'est ça, il y a une espèce de renouvellement automatique. Donc moi j'ai pas bénéficié parce que je suis con. Parce que je suis tellement autoproduit que mes charges, c'est moi qui les paye quelque part. Fait que t'as pas fait aucun. Non, c'est vrai que je suis. Je sais pas, j'étais méfiant, j'étais. Puis en fait, ça fait que tu perdais tes premières heures, donc. Ah, mais si t'as pas rien, tu vis de quoi? Tu vis de l'amour et d'eau fraîche? Bah je vis de l'intermittence, puis ouais, je fais quand même de plus en plus de concerts, puis je fais beaucoup d'ateliers d'écriture. C'est les ateliers qui te... Un peu, ouais. Mais j'en fais de moins en moins. Pourquoi? Je suis content. Pourquoi tu veux pas... Thank you. Sarah a de longues boucles brunes, le tempérament de la lune et un regard encre. Elle dit: moi, pour mes 15 automnes, j'aurai un voilier énorme. Elle dit: moi je jetterai l'ancre. Elle dit: moi, mes boucles brunes voleront au vent. J'attraperai la lune entre mes dents. Sa peau est comme un nuage qui a parfois la couleur de l'orage, mais peut prendre en vérité à peu près tous les aspects. Et pour toute sa famille, comme pour toutes les familles, c'est la plus jolie petite fille qui ait jamais existé. Jamais. Elle dit: moi, mes boucles brunes voleront au vent. J'attraperai la lune entre mes dents. C'est vrai qu'elle n'était pas comme ses cousines, elle était plus féline, peut-être un petit peu plus intelligente. Surtout pour son oncle Henri, c'était bien la plus jolie, de loin la plus intéressante. À 15 ans, ses boucles brunes, tonton Henri, lui, si marrant, les a rendues couleur prune, couleur de sang. Immobile dans un sous-bois, prostré dans un délire sans cohérence, comme une proie aux abois, répétant: non, non, non, ce n'est pas moi. Amputée de l'innocence, c'est elle qui disait: mes boucles brunes voleront au vent. J'attraperai la lune entre mes dents. Oh, elle dit: moi, mes boucles brunes voleront au vent. J'attraperai la lune entre mes dents. Oh, elle dit: moi, mes boucles brunes voleront au vent. J'attraperai la lune entre mes dents. Entre ses dents. J'ai un peu moins de demandes et que du coup je cours pas après parce que c'est extrêmement chronophage et très mal payé. Ah ouais. Mais non, mais c'est chouette parce que ça te garde en contact avec la vraie vie. Et tu vas dans des écoles, tu vas dans des. Ok, c'est plutôt des enfants. Des maisons de retraite. Ouais. Ah, maisons de retraite, ah, ça c'est bien ça. Mais j'ai écrit une petite pièce de théâtre là, qui s'appelle J'ai jamais dit que je mourrais. Et puis, pour enfants? Ben, non, malgré le titre, c'est l'histoire d'un couple d'amoureux qui arrête pas de se chicaner et de se contredire et de se machin. Et puis ils arrêtent pas de se demander s'ils sont pas immortels parce qu'en fait, ils ont tellement de souvenirs qu'ils se rendent compte qu'ils sont immortels. Ben. Alors, c'est un. C'est ambigu. C'est un conte parabolique? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça, on va le jouer, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Combien de personnages? C'est chouette. Bah deux, les deux amoureux. Puis c'est qui? As-tu pris ta blonde? As-tu pris ta copine? Non. Non, c'est deux amoureux qui sont vraiment amoureux dans la vie. Et ça leur va très bien. Alors tu as écrit pour eux? Bah écoute, C'est extrêmement mystérieux, c'est... En fait, j'écris pour eux sans le savoir. Ok. Mais tu les connais? Ouais. C'est sur l'histoire, justement, de la sidérurgie lorraine. Ouais. Et lui est d'origine espagnole, arabe. Mmh. Elle est juive. Ok, oh. Et les vrais comédiens... Elle est juive, et lui est marocain. Parce qu'à un moment, je me dis, t'es con, quoi. Ils sont amoureux. Il est arabe, elle est juive. Bon, bah, peut-être que tu l'as écrite pour... Ils sont comédiens. OK. Et peut-être que tu l'as écrite pour eux. Mais c'est marrant, tu vois, quand je compose une chanson, c'est mon prof de chant qui m'a appris ça. Et bah, t'es toujours dans une tonalité de confort. Parce qu'il faut que tu te protèges et que t'es dans quelque chose d'assez... Tu peux pas mettre trop d'affect en jeu. Tu as besoin d'écrire les paroles, la musique, il y a quelque chose d'assez arithmétique, d'assez mécanique. Il faut être dans le bon nombre de temps, dans le bon nombre de pieds, dans la... Et après, seulement une fois qu'elle est finie, souvent, moi en l'occurrence, je la monte ou je la descends d'un demi-ton, voire plus, et là il se passe quelque chose. Okay. Et ben, je crois que c'est un peu pareil quand j'ai écrit cette pièce de théâtre. Je pouvais pas penser à mes amis comédiens. Ok. Ça générait trop d'affect, trop d'enjeux, trop de... Évidemment, j'ai le complexe, j'ai le syndrome de l'imposture, comme la plupart des artistes. Donc, jamais dans mes rêves les plus fous, ils accepteraient de jouer cette pièce. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est des comédiens extraordinaires, j'avais peur que ce soit pas assez bien. Ok, tu craignais de leur réaction, là. Ouais. Alors qu'ils sont ravis. Ouais, mais on se crée souvent des faux problèmes, hein. Ah ouais. C'est fou, hein. Les humains, là... Toute notre vie, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Pour n'importe quoi. Même parce qu'on a peur du vide. Ouais. Mais on a peur aussi du refus. Ouais. Oui, ça, c'est terrible. Parce que le refus... Il y a un livre au Québec qui s'appelle Le Reflux Global, ouais. Qui a été écrit par des artistes. Et ça parle d'anticonformisme. Pourquoi se plier au mouvement commercial quand on peut avoir une vision autre qui peut être aussi intéressante que celle qui trône actuellement? Le refus global. C'est des grands gauchistes. Ça me dit quelque chose, ouais. Les grands gauchistes québécois. Mmh. Qui se sont. Le livre est encore extrêmement actuel. Ça a été écrit en 40. Ah ouais? Non, 50, excuse. 50. Et je l'ai lu quand j'étais étudiant au cégep. Mais je l'avais lu avant quand j'étais un peu plus jeune. Je comprenais rien, mais j'aimais ça. Parce que je suis pas obligé, moi, c'est. Quand j'avais 12-13 ans, je regardais des films de Jacques Doyon. Je comprenais rien, mais j'aimais ça. J'écoutais les films de Doyon. Ouais, non, pas juste de Doyon. De Romère aussi, je comprenais rien, mais j'aimais ça. La femme de l'aviateur. Vous lui dites 32 boulevards des Abbesses. Je l'ai vu au cinéma. Il y a des gens qui quittaient. J'aimais pas ça, mais j'aimais pas ça. Ça m'intriguait. Je crois que peut-être que tu aimais le rythme aussi. Hein. Oui, ah oui, oui, oui, oui. Non, mais j'ai. Puis j'adore Romère, j'adore Doyon. Mm-hmm. C'est un peu comme des berceuses, quoi. Ouais. Quelque chose de rassurant. Mais surtout que Romère filme la vie. Mais c'est. Filmé, parce que. Ça va, ça se passe bien? Oui, merci. Mais le refus global, c'est un excellent livre, hein? Je te le conseille. C'est en version poche, c'est vraiment trop fort rien. Qui est-ce qu'il a écrit? C'est plusieurs artistes. Ah ouais. C'est une manifestation. C'est collectif. Hein. Des idées reçues. Ben ouais. Moi, je remarque quelque chose, c'est que... Nous, en tant qu'adultes, on est soumis à plein d'injonctions en permanence. Mais alors, les enfants, je me pose la question du libre arbitre d'un enfant. Putain, par rapport à... Déjà, toutes les frustrations que... l'inspecteur jette ses parents sur lui. Genre, moi, j'ai pas réussi à être musicien. Tu seras musicien, tu vois, de frustration de cet acabit. Après, mais il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus, parce que les enfants, il faut qu'ils soient bons en sport, il faut qu'ils soient bons à l'école, il faut qu'ils fassent de la musique, il faut qu'ils fassent de la danse. Ah oui, il y a de la pression, hein. Un pauvre gosse, quoi. Ouais, ouais. La pression. Et aimer son enfant, ce serait aussi le laisser faire. Exactement. C'est un être intelligent. Ouais. C'est pour ça que là, j'écris. Puis le pompon, là, mon premier spectacle jeune public, il a été sélectionné par les jeunesses musicales de France. Hey, c'est beau comme titre. Ouais. Jeunesse musicale. Mais écoute, c'est proprement hallucinant parce que ça a été créé dans les années 40. Je me dis, en 1940. Les mecs en pleine guerre mondiale, ils avaient que ça à faire de créer des associations loi 1901. Ouais. Alors, ils ont déposé les statuts à la préfecture en 44 à la libération, mais en fait c'était pour répondre. C'est une réponse, pas une réponse comme une réponse à une question, une réponse en termes de stratégie militaire, ouais. Une réponse aux jeunesses hitlériennes. Ok, ben bah oui, hey. Ouais. Et ça me fait toujours penser à. C'est Leonard Cohen qui disait. On gagne les chansons, on gagne, à chaque fois je me gourre, du coup je loupe mon effet de manche. Ah, non, non, on gagne les guerres avec des chansons, pas avec des armes. Ouais. C'est pas magnifique. Ah, c'est Leonard Cohen. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est certain. Et là, maintenant, les jeunesses musicales de France, il y a des délégations régionales dans toute la France. Alors évidemment, le siège est toujours à Paris. Ils sont aidés par le ministère de la Culture, par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc là, il y a eu une présélection sur dossier, une sélection sur scène, donc on a été sélectionné. Et après, on va jouer deux, trois chansons devant plein de bénévoles qui vont. Ils auront un catalogue avec les 40 spectacles de la sélection de cette année. Et, on va avoir comme ça 20, 30, 40, ça peut aller jusqu'à 100 dates. Quoi. C'est 15, ça? Et bien là, en octobre, on passe la sélection sur scène, donc la troisième étape. Et là, on va savoir on va savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est ça qui est génial. Et en fait, ça. Mais ils sont combien? C'est combien de personnes qui se présentent pour ça? Eh bien, des centaines. Ah oui, oh. Je pense qu'il y en a des centaines. Parce que c'est une espèce de Graal. Parce que. Après, il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Hein. Moi, j'ai mis des années à comprendre que des fois, tu ne fais pas les choses pour les bonnes raisons, tu les fais. Justement, à cause de la frustration, à cause d'injonctions, parce que tu te dis, ma femme, elle aimerait bien que machin, mon père a toujours rêvé que je fasse du piano ou je sais pas quoi, ou que je passe ma ceinture noire de judo. Ouais, ouais. Et en fait, ça représente une espèce de Graal, parce que si tu fais 40 dates, ça fait 40 cachets, tu vois. Donc, comme il faut en faire 53, tu te dis, ça y est, j'ai fait mon intermittent. C'est ça, il m'en reste juste 3. Ouais. Alors que c'est complètement con, parce que 43 dates d'un spectacle que t'aimes pas forcément, à jouer devant 360 gamins survoltés qui écoutent d'une oreille distraite, c'est chaud, quoi. Ah, mais dis-toi qu'il y a des gens qui travaillent pendant 50 ans dans un boulot qu'ils aiment même pas. C'est quoi? C'est rien, hein? Ça, c'est bien vrai, ça. Donc, tu sais, ça peut être à Port-Cartier en plus les dates qu'on te propose. Alors. Ouais, c'est ça, dans le Nord. Hein. Ah ouais, mais le public est partout, il n'est pas juste à Paris. Ouais. Mais c'est ça qui est génial, t'as vraiment une vocation. Voilà, pour le coup, la culture, elle est essentielle, tu vois. Les mecs, ils ont tout compris. Ah ouais, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Pardon. Et ils ont pensé à tout, c'est-à-dire que si tu fais 40 dates, eh bien, sur chaque date, il y a une part producteur. Parce qu'il part du principe que l'association, en l'occurrence, est productrice, a investi de l'argent, donc il faut qu'elle ait un retour sur investissement. Ah. Et j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Ok, il se graisse la patte, comme on dit chez nous. Ben. Il se graisse la patte. Oui. Ah, c'est beau comme expression, hein, ça. Ah, c'est une expression qui a franchi l'Atlantique. Hein. Graisser la patte. Ouais. Ah, vous dites ça, vous aussi? Alors, eux, ils doivent se graisser la patte. Parce non, mais vous dites ça? Non, ouais. Hein. Ils doivent se graisser la patte pour. Je pense qu'il y a énormément d'expressions qui viennent du Québec, on ne le sait même pas. Tu vois, moi je savais pas que graisser la patte venait de là. Ben, c'est moi non plus, c'est toi qui le dis. C'est pas moi. Tu dis que ça vient chez nous? Génial. Ben non, je pensais. Je pensais parce que tu le disais. Ouais. En fait, on ne sait plus. C'est ça qui est génial. Oh, oui, oui. Ouais, mais écoute, tu sais, les idées sont lancées après ça. Ils reviennent, c'est cyclique. Tu qui l'a dit, c'est pas important. Ouais. Ben, vraiment. Non, puis les mots, ils sont libres. Mm. C'est pour ça que j'adore les langues. Je mange vos cœurs à l'ail, au beurre d'inaccessible saveur, meilleur qu'on leur reste un peu d'ardeur. Je me remets de leur rancœur, de leur sourire, de leur bonheur, de leur odeur, de leur couleur. Ah, je mange vos cœurs. Vampire mangeur, je pompe vos pleurs, les peurs de la petite sœur, les deuils des mères, des mœurs, les gris, les noirs, les gros. J'assimile les jolies horreurs qui passent à ma hauteur. Je suce le sang, la sueur, j'aspire l'encre des pieds, tu meurs. Je gobe des couleurs, c'est mon heure. Je mange vos cœurs. Ça vous écœure, pourtant cuit à la vapeur. Je mange vos cœurs, je préfère celui des autres cœurs à celui des cœurs. Ils sont meilleurs, juste avant qu'ils ne meurent. Meilleurs, qu'on prend de douceur, quand encore un peu de chaleur. Je mange vos cœurs, j'extire l'or de l'aurore. J'extire l'or de l'aurore, je troque l'or contre l'aurore. J'annonce l'air de l'aurore, l'horreur de l'horreur. L'horreur de l'erreur, la syntaxe, erreur, pas ma faute. C'est la leur, je mange vos cœurs. Je mange vos cœurs, j'extire l'or de l'aurore. J'extire l'or de l'aurore, je troque l'or contre l'aurore. J'annonce l'air de l'aurore, l'horreur de l'horreur. L'horreur de l'erreur, la syntaxe, erreur par ma faute. C'est la leur. Par cœur, je deviens plus savant. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.